Chapitre 16. Station solaire 22X. Dix minutes avant l'impact. Le soubresaut de la station déséquilibra le capitaine Bright et l'envoya heurter une cloison. Il la percuta violemment et parvint à se rattraper de justesse à une colonne pour éviter de se fracasser le crâne. Le droïde pilule en suspension dans l'air à quelques mètres devant lui, dans le couloir en feu, ne parut même pas remarquer la secousse. Mais il n'était pas en contact avec le pont. Il flottait, serein comme toujours, sa civière déployée depuis sa coque, et transportant un minuscule Anzellan inconscient qui répandait derrière le droïde des taches de sang violet. Il n'était plus loin de l'Aurora 9, et avec l'Anzellan, ça faisait 7 survivants retrouvés, l'équipage au complet. Leur mission était terminée, et miracle entre tous, ils avaient survécu jusqu'ici. Désormais, il leur suffisait de s'éloigner de la station avant qu'elle n'explose. Ce qui ne tarderait pas, comme le suggéraient les messages de plus en plus pressants qui leur parvenaient depuis l'ingénierie. Bright leva son comlink. « Contremaître Inamine !» gronda-t-il. « Qu'est-ce que c'était que ça, bon sang? Vous m'aviez dit que vous pouviez stabiliser cette station !»« Capitaine, je vous ai explicitement dit le contraire !» répondit Inamine d'une voix qui oscillait entre l'agacement et la panique. « Le réacteur va sauter. On ne peut rien y faire. Il faut simplement qu'on soit parti quand il explosera. »« D'accord, » dit Bright. « J'ai le dernier membre d'équipage. Nous arriverons au Long Beam d'ici 30 secondes. Montez, on découple le vaisseau et on file d'ici. » Le droïde pilule avait atteint le sas où attendait l'enseigne Peoples, chargée de stabiliser les autres victimes issues de la station solaire dans l'infirmerie de l'Aurora 9. Il fit vrombir sa trompe pointue en découvrant l'Anzellan. « Oh, oh, oh » roucoula-t-il. « Qui est ce mignon petit bébé ?» Peoples ramassa le blessé et le pressa contre sa poitrine. La civière du droïde pilule se replia ingénieusement dans un mouvement sec avant de disparaître sous sa coque. « Bon sang, Peoples, ce n'est pas un bébé. Emmenez-le à l'infirmerie et assurez-vous que tout le monde est attaché et prêt à partir. Il faut qu'on file d'ici et ça risque de remuer. » Peoples cligna des yeux, les 19 dont il était pourvu, et les tentacules de Bright lui signalèrent que l'enseigne était frustrée, sans doute parce qu'on venait de lui gâcher son plaisir. Il se tourna toutefois emmenant l'Anzellan avec lui. Puis il fit volte-face. « Au fait, un ordre nous est parvenu depuis le Third Horizon. Évacuation complète du système. Toutes les tentatives de sauvetage sont censées s'arrêter et tous les vaisseaux doivent se diriger vers les zones d'entrée en hyperespace et quitter immédiatement Hetzal. » Ils ont expliqué pourquoi. On va laisser des tas de gens derrière nous. Peoples haussa les épaules, ou plutôt il se livra au curieux spasme qui remplaçait ce geste chez lui, avant de s'éloigner tout en cajolant le petit être inconscient qu'il tenait dans les bras. La station s'ébranla de nouveau et un jet de flamme traversa le corridor. Bright eut à peine le temps de comprendre ce qui se passait que le droïde pilule se précipitait à une vitesse qui contrastait avec son habituelle grâce languide. Il s'interposa entre le brasier et le capitaine, ouvrit l'un de ses panneaux latéraux et en fit émerger un tuyau. Une mousse ignifuge en jaillit, intercepta le feu et l'étouffa de sorte que Bright ne perçut qu'une vague bouffée de chaleur. Il lâcha le souffle qu'il avait retenu et inspira de nouveau, prenant conscience qu'il avait manqué de peu de se faire brûler vif. « Merci, mon vieux, » dit-il en tapotant le dôme cylindrique du droïde. Ce dernier émit 2 bips brefs. Bright ne comprenait pas le binaire sans traducteur, mais il les interpréta comme une réponse stoïque du genre « Je ne fais que mon travail, capitaine », ce qu'il apprécia. Il prit de nouveau son comlink. « Inamine, qu'est-ce que vous fichez? Si vous ne remontez pas, je vous laisse sur place. » « Justement, » répondit le contremaître d'une voix où l'agacement et la panique avaient disparu. Il ne restait plus que la résignation, ce que Bright n'appréciait pas du tout cette fois. « Quel est le problème, contremaître ?»« Je ne peux pas partir. Il faut entrer une séquence précise dans la console de contrôle du réacteur pour injecter du refroidissant toutes les 2 ou 3 secondes. Et si je m'arrête, il explose aussitôt. J'ai tenté de mettre en place un processus automatisé, mais les processeurs sont endommagés. Je... Sa voix se fissura. « Non, nous allons vous sortir de là, » dit Bright. « J'amène le droïde pilule. Nous pouvons lui montrer la séquence. Il l'appliquera pour nous le temps que nous filions d'ici. » « Capitaine, vous devriez partir. Descendre pour me récupérer va prendre du temps et... »« L'affaire, Minamine !» Bright fit signe au capteur oculaire du droïde pilule pour que ce dernier le suive et il commença à courir en direction de l'échelle la plus proche. Il dégringola les étages aussi vite que possible et arriva enfin au niveau du réacteur. Inamine leva les yeux, le visage baigné de sueur, si soulagé qu'il paraissait sur le point de défaillir. « Tenez le coup, » dit Bright au jeune officier. La station trembla de nouveau et ne s'arrêta pas cette fois. « Nous n'avons pas le temps, » répondit Inamine. « C'est évident. Montrez la séquence au droïde. » Il faut la lancer lorsque cette jauge passe au rouge, annonça Inamine dont l'explication arrivait au moment opportun. Il pressa rapidement 5 boutons sur la console et la jauge redescendit de quelques crans, jusqu'à la zone orange et non la verte, mais il faudrait s'en contenter. La séquence ne présentait pas de difficultés. Bright la mémorisa dès qu'il la vit la première fois. De toute évidence, le droïde l'avait fait lui aussi. Il s'avança, prit la place d'Inamine à la console et attendit le moment où il faudrait entrer de nouveau les commandes. « Allez !» ordonna Bright à son subordonné. « Retournez au Long Beam. »« Vous ne venez pas ?»« Je veux m'assurer que le droïde y arrivera. Dépêchez-vous. Aidez Peoples. La lumière seule sait ce qu'il fabrique là-haut. »« Merci, capitaine. Ça me touche beaucoup. »« Nous sommes tous la République. » Inamine hocha la tête et sortit en courant de la salle du réacteur pour se diriger vers l'échelle la plus proche. « Allez, splendide petite machine !» dit Bright en se retournant vers le droïde pilule. « Montre-moi que tu as tout compris. » La jauge passa au rouge et le droïde pilule intervint sans hésiter, pressant les 5 boutons en un clin d'œil. L'indicateur retomba un peu moins que la fois précédente et la station parut un peu moins susceptible de tomber en morceaux. « Très bien. À toi de jouer. Il faut que je file. Ça a été un plaisir de travailler avec toi. » Cette fois, le droïde ne répondit pas, ce que Bright décida de comprendre comme une sorte d'acquiescement résigné. Il se retourna et sortit en trombe de la salle, suivant le même trajet qu'Inamine. Il atteignit l'échelle et posa le pied sur le premier barreau. « Ça va marcher, » pensa-t-il, ce qui tenait davantage du souhait que de la conviction réelle. Ce fut alors qu'il le sentit, ou plutôt que ses tentacules le perçurent, capables qu'elles étaient de capter des phéromones même dans les environnements les plus pollués. Il y avait quelqu'un d'autre ici, un être vivant. Vivant et blessé si ses récepteurs ne le trompaient pas. Bright suivit la piste olfactive et là, derrière un panneau, il découvrit un Twi'lek corpulent, mal en point, ensanglanté et inconscient. Il portait l'uniforme de la station. Bright se demanda si Inamine s'était montré négligent dans sa fouille du niveau parce que le réacteur endommagé lui avait détourné l'attention, parce que le blessé était presque caché, ou... Mais cela n'avait plus d'importance. Pas vrai? À titre d'essai, Bright s'accroupit et tenta de soulever le Twi'lek. Il banda ses muscles, mais le blessé n'était qu'un poids mort. Il bougea à peine. Non. Pensa-t-il. Impossible. Bright s'accorda un moment, mais pas davantage, pour réfléchir à sa vie, à ce qu'il avait accompli et à ce qu'il pourrait peut-être encore faire. Il songea à la République, à ce qu'elle signifiait et à sa promesse de la servir, ainsi que tous ses habitants. Puis, il regagna le réacteur en courant. « Je m'en occupe, » dit-il en écartant le droïde pilule du passage et en s'installant devant la console. D'un geste du pouce, il désigna le couloir derrière lui. « Tu as un patient. À environ 9 mètres, une fois passé l'échelle de pont. Ramène-le au vaisseau, tout de suite. » Le droïde pivota et s'éloigna aussitôt. Bright entra la séquence de commande et la jauge recula légèrement. Mais moins que la dernière fois. Il parla dans son comlink. « Inamine, vous y êtes ?»« Oui, capitaine. Mais vous, où êtes-vous ? » Vous deviez m'emboîter le pas. Changement de programme, répondit Bright. J'envoie le droïde pilule avec un évacué de plus. Mais nous avons déjà 7 membres d'équipage. Eh bien, ça fera 8. Mais le réacteur... Commença Inamine qui laissa sa phrase en suspens. Bright pouvait presque l'entendre cogiter et comprendre peu à peu ce qui allait se passer. Décollez à la minute où le droïde aura embarqué. N'attendez pas. Échappez au puits gravitationnel du système et sautez. Retrouvez le Thought Horizon si vous le pouvez. Sinon, retournez sur Coruscant. On dirait que tout part en morceaux dans le système et pas simplement ici. Mais, capitaine, peut-être que... Non. Écoutez, je vous ai passé beaucoup de choses depuis que nous naviguons ensemble, Inamine. L'insubordination, les plaisanteries. La vie est trop courte, le vaisseau trop petit. C'est ce que je me suis toujours dit. Mais ça s'arrête ici. La vie est vraiment courte, contremaître. Elle file en un rien de temps. Je vous ai donné un ordre. Et si vous n'obéissez pas, je vous garantis la cour martiale. Long silence au bout de la com. Ils savaient tous deux à quel point cette menace était creuse. Ce n'était pas le sujet. Finalement, Inamine s'exprima d'une voix éteinte. Je vois le droïde. Il transporte le blessé. Un Twi'lek ? C'est ça. Bright entra de nouveau la séquence. La jauge recula. Un peu moins. Les tremblements qui agitaient la station frisaient désormais le séisme. Elle se disloquait peu à peu. Allez, Inamine. Nous sommes déjà détachés, capitaine. Nous enclenchons les rétrofusées à l'instant, pour nous placer à une distance de sécurité minimale. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Bien, dit Bright. La jauge passa une fois encore dans le rouge. Bright tapa la séquence. Cette fois, l'aiguille ne bougea pas. Elle resta dans la zone dangereuse. Bright soupira. Capitaine, nous sommes partis, dit Inamine. Nous sommes tous la République. C'est bien vrai, répondit Bright. Nous sommes tous. La chaleur, la lumière, et puis plus rien.